je m'appelle Olivia. L'eau bien Lola, tu pareil au même. Moi je m'appelle Olita. Quand je rêve loup, c'est Lola qui saigne. Quand pour chemin en j'ai là un fou rire aussi fou qu'un phénomène. Je m'appelle Lolita. L'eau de philo. Je m'appelle.